Commencer se dit... Comenzar. Comenzar ou empezar. Alors, avec le verbe empezar, j'ai commencé, sans plongeoir, c'est... Empecé. D'accord. Et à quelle heure est-ce que vous, usted, avez commencé? Toujours sans plongeoir. A qué hora empezó? C'est ça. A qué hora empezó? Et je suis sorti, sans plongeoir. Salgo. Salgo veut dire je sors. Je suis sorti. Salgué. Salgui. Quel est le verbe? Salir. Salir, hein? C'est ça. Sali. Bien sûr, hein? Sali. Oui, hein? Et si vous voulez dire je sors, ça serait? Salgo. Salgo. Et il sort? Sale. D'accord, sale. Et comment direz-vous, à quelle heure est-ce que vous sortez? Vous posez la question à ustedes. A qué hora salen? Bien. A qué hora salen? Et à quelle heure est-ce que vous, hein, usted, êtes sorti? Au passé, sans plongeoir. A qué hora salió? C'est ça, hein? A qué hora salió? A qué hora salió? Je n'ai pas mangé, sans plongeoir. No comí. D'accord, no comí.